Bonsoir, ce soir on est en direct d'MTC, on est le 17 juin 2014 et on est le 19 Nissan 5774. Et ce cours est pour les Lunishma de Rosalie Batourida, de la Refoshema de Nissim Ben Aviva, de la Refoshema de Yael Bat Rosalie et de Noam Menachem Ben Ruth et de Ruth Bat Rivka et Bezat Hashem de la libération et de nos trois enfants qui ont été kidnappés par ces marchemin vezichram, les Hamas, Yaakov Natali ben Rachel Dvora, Gilad Michael ben Bat Galim et Yal ben Iris Teshura. Hashem. Et ce cours est sur la parashat Korach, ce soir en direct d'MTC Montréal. Les trois élèves qui ont disparu en Eretz Israël. Et leur nom c'était Naftali. Oui, voilà. Yaakov Naftali ben Rachel Devora, Gilad Michael ben Bat Galim, Eyal ben Irit Teshura. Bezrat Hashem, que Akash Bokhu leur envoie une Yeshua et qu'on n'a plus affaire avec des choses comme ça. Très intéressante. Bon, c'est une Gemara assez beaucoup d'action dans cette Gemara. Excusez-moi, dans la paracha de Korach. Oui, on a tous en parlé de Korach. Oui, on connaît très bien Korach. La femme. C'est la femme de Korach. Et l'autre, qu'elle a fait. Comment s'appelle? Isa. Oui. La femme de Korach qui a fait tout. Oui, avec il y a l'autre qui l'a fait quand même. Une prostituée et son mari dort pour ne pas aller avec Korach. Datan de Aviram, vous parlez? Non. Qui ça? Il y avait quelqu'un d'autre? Oui, la femme qu'elle a fait semblant à côté de la tente, les cheveux, pour ne pas son mari va avec Korach. Ah, oui. Alors, je ne me rappelle pas exactement des détails de l'histoire, mais peut-être ça va me revenir, on va parler un petit peu. Alors, premièrement, très intéressant, il y a une Gemara. Bon, on sait très bien qu'est-ce qui est arrivé à la fin à Korach, oui. C'était fatal, si on veut. C'est quelque chose, la terre les a avalés avec du feu, etc. C'est très intéressant que. C'est peut-être une des seules places que la Torah, elle est vraiment descriptive de la façon qu'ils ont été punis, etc. Très descriptive avec tous les détails. Bref, qu'est-ce que vous pensez est arrivé à Korach à la fin? Après qu'il a été avalé par la terre, etc. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a marqué qu'il a été avalé vivant. Il s'était avalé vivant, très bien. Alors qu'est-ce qui est arrivé après? Il vit dans un autre monde. J'ai trouvé une Gemara, Baba Batra, incroyable, une Gemara vraiment exceptionnelle. Gemara dans ma sœur Baba Batra, Daf Ein Daled, la Gemara elle rapporte une histoire avec Rabba Bar Chana. Rabba Bar Chana, c'était un grand sage du Talmud, et il se trouve dans le désert. Et dans le désert, bon, il y a beaucoup de petites histoires là-bas, mais il rencontre un arabe, Aravi, la Gemara elle dit, c'est sûrement un bédouin, je ne sais pas, une personne qui vit dans le désert. Et dans le désert là-bas de Sinaï, l'arabe lui montre beaucoup de choses, il lui montre, viens je te montre ça, et il lui dit, viens, je vais te montrer la terre qui a avalé Korach. Bon, l'arabe a dit ça. À l'arabe, parce que cet arabe-là se trouvait dans le désert et Korach, excusez-moi, Rabba Bar Chana, il dit, je vais te montrer où est-ce qu'il est, Korach a été avalé. Et il l'amène à côté de la place et il dit, regarde, tu vois ce trou ici, il y avait des petites fissures ici et il y avait de la fumée qui sortait. Ça, imaginez-vous, ça, on part de, au temps de la Gemara, c'est plus qu'une dizaine de siècles plus tard. Hein. Oui. Alors il lui dit, c'est quoi? Il lui dit, voilà, ici c'était ce que Korach était avalé ici avec ça. 1500 ans, plus que 1500 ans. Plus. Parce que chaque année. C'est ça, oui, environ presque 2000 ans. Entre. Oui. Oui, 2000 ans. Alors il dit voilà la fissure. Et il lui dit, il se trouve tout ce temps-là comme ça. Il lui dit, est-ce que tu entends qu'est-ce qu'ils disent? Il lui dit, oui, voilà. Il lui dit, non. Il lui dit, mets ton oreille à côté et tu vas entendre. Qu'est-ce qu'ils sont en train de crier? Moshe Emet, Betorato Emet. Oui. On part 1500 ans plus tard, c'est incroyable. Ils sont en train de crier que Moshe est la vérité et sa Torah est la vérité et nous on est des menteurs. Ve'anu bdouim badaim. Et l'arabe il lui dit qu'il faut que tu saches que à chaque mois leur chair est amenée ici, ça veut dire il leur donne une petite vacance de Gehenom. Et ils sont envoyés ici, et on le met, c'est comme s'ils mettaient, c'est très descriptif, c'est un petit peu écœurant, je me dirais, c'est comme, ils disent que leur chair se trouve comme dans une marmite, et ils sont bouillonnés, et c'est cette chair-là qui est en train de crier, « Moshe, Emet, Vatorata, Emet, Van, Obedoui. » C'est incroyable. Oui, mais vous, les Libanais. Les Libanais, ils font ça? Non. Non. Quand il y a... Bien sûr. Ouais, ça c'est un verset qui dit, qu'on le dit. Mais c'est un exception. Maintenant, je vais vous demander comme ça. Qu'est-ce que Korah il a fait de mal? C'est ça qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui. Et on va parler, premièrement, c'est quoi la grande faute de Korah? D'abord, c'était qui Korah? Korah? C'était le grand Révi. Oui, Korah, c'était un très grand. Le Midrash, il dit Ish Chacham Haya. C'était un très très grand sage. C'était une personne très très très très smart, comme on dit. Très intelligente. Un peu trop intelligente, même, je dirais. Oui. Le Kitvé, dans le Kitvé Arizal, on va tout de suite foncer dans le Kitvé Arizal. Oui, vas-y. Par rapport à Moshe Rabbeinu, c'était de sa famille. Oui. Alors, c'est ça que je vais arriver à ça maintenant. C'était ça, je vais arriver à ça maintenant. Dans le Kitvé Arizal, le Arizal, il rapporte qu'il y a une connexion avec Cain et Evel et Moshe Rabbeinu et Korah. Cain et Evel, vous connaissez tous l'histoire de Cain et Evel. Oui. C'était les deux fils de Adam Arishon. Oui. Et... ils étaient Cain a tué Evel parce que la chose. Alors le Arizal il démontre comment que en vérité Moshe c'était le Gilgoul de Evel des générations plus tard et Korah c'est le Gilgoul de Cain. Bon, le Arizal il rapporte. Maintenant c'est quoi le parallèle exactement? Premièrement vous allez me demander une question, une seconde. Dans l'histoire de Moshe et de Korah, c'est Korah qui est mort. C'est pas... Oui, alors comment est-ce que Moshe, il est Evel? Evel, c'est lui qui est mort. C'est quoi? C'était le tikkun. Quel tikkun? Que Korah, que Cain, le tikkun de Cain. Le tikkun est venu avant le... Non, après. Comment après? Mais Cain l'a tué Evel. Donc oui. C'était Korah qui représentait Cain, qui devait mourir. Qui devait mourir pour rectifier... Mais alors, quel tikkun c'est? De réparer quoi? Ben, qu'il est mort? Non, qu'il a tué Evel. Hein? Qu'il a tué Evel lui maintenant, c'est lui qui va mourir. Mais quel genre de tikkun? C'est quoi exactement le tikkun ici? Justement. Ok, on va parler. C'est pas mal. Alors, il dit comme ça. Premièrement, c'est quoi le. Et on va trouver un petit peu. Adher Hamoussar, on va parler un petit peu. Comme ça, c'est quoi exactement qu'est-ce qui se passe avec ce Korah? Korah, qu'on dit qu'il était tellement intelligent, tellement un sage, qu'est-ce qui lui a causé à faire tous ces péchés? Avant, c'est quoi le parallèle entre Cain? Cain, celui qui a tué Evel, oui? Cain, celui qu'il a amené des offrandes à Akash Baruch Hu, et Akash Baruch Hu ne les a pas pris, tandis que son frère a amené des offrandes, des korbanot, et Akash Baruch Hu lui prend. Le Pirkei Avot, il dit Shlosha Dvarim Motzim et Adam Min Haolam. Il y a trois choses qui sort la personne de ce monde. Ça veut dire qu'il se fait punir en sortant de ce monde avec avec des blessures si on veut. Oui, alors là, l'envie, le désir et le kavod, le respect non désiré. Oui, parce que si c'est le kavod, c'est pas nécessairement quelque chose de mal. Oui, une personne qui a une grande stature, on lui donne du kavod parce que c'est une personne qui mérite. Mais il y a un kavod qui, une personne ne le mérite pas des fois. Alors la première chose, c'est que, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi est-ce que Caïn, il décide de tuer son frère? Il est jaloux. L'envie. Oui. Oui. Non, parce que... La jalousie. Oui, la jalousie. Parce c'est ça, la jalousie, la même chose. Il a accepté... Il a accepté l'offrance de son frère, Abel, et qui, exactement comme Korach. Caïn, quand il voit son frère, que voilà, son frère, il a amené un korban à Akash Borou, Akash Borou accepte son korban, tandis que son korban, Akash Borou ne le prend pas. Caïn est devenu très frustré. Caïn est devenu très frustré avec Abel, et il décide de tuer Abel. Très bien. Exactement comme Korach. Exactement comme Korach. Korach, il voit que Moshe, il est en train de devenir le grand homme. Son frère, il devient aussi le grand homme. Il devient jaloux de Moshe Rabbeinu. Parce qu'en vérité, ils ont aussi une connexion familiale. Moshe, oui, c'est des cousins. Des cousins. Et ils sont considérés comme des frères du point de vue qu'ils sont venus du même tribu. Ils sont venus de Shevet Lévi, les deux. Alors exactement comme Caïn, c'est ça comment on tire le parallèle, comme Caïn, qu'il avait une jalousie envers son frère Abel, Korach, il a une jalousie incroyable, un envie incroyable pour Moshe Rabbeinu et Aaron. C'est Korach qui donne le Aaron Kodesh. Hein? C'est Korach qui donne le Aaron Kodesh. C'est ça, c'est la partie du tribut de Lévi. Oui, oui. Ouais. Avec tout ça, il est pas, ça ne lui suffit pas. On va arriver à ça, hein? Son cousin germain, alors. Exactement. Exactement. Exactement. À Moshe? À Moshe Rabbeinu. À Moïse. Alors, ça, c'est la première chose qu'il a. Korach, il a un super envie envers Moshe. La deuxième chose, la ta'ava, c'est le désir. Oui, regardez, Caïn, vous imaginez, Caïn et Abel, combien de gens il y avait dans le monde? Lui, son frère. Oui, deux. C'est quand, vous savez, on dit en Afghanistan, vous savez combien de juifs il reste? Deux. Deux. Vous savez combien de synagogues il y a? Deux. Deux. Il y a trois. Non, il y a trois, parce que quand il s'énerve, il va. Là. C'est comme ça, ils ne se parlent pas. Il y a un monsieur Lévi à l'Afghanistan, je suis sérieux. C'est une vraie histoire. Il reste deux juifs en Afghanistan, ils ne se parlent pas. Oui, oui, deux. Il y a un monsieur Lévi, il s'appelle Lévi, Meir Lévi, je ne sais pas exactement, mais c'est un Lévi. Il ne veut pas quitter. Il veut pas, ils sont trop vieux maintenant, ils ne vont pas quitter. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Caïn, il a la moitié du monde. Ils ont décidé de se partager. Il y a juste lui et son frère. Ils sont l'héritier de Adam Arishon. Caïn, il a la moitié du monde. Et Abel, il a l'autre moitié du monde. Mais Caïn, ça ne lui suffit pas. Quand il reçoit la moitié du monde, il regarde l'autre moitié de son frère et dit non, je veux cette moitié aussi. Et à cause de ce désir qu'il a envers son frère, il décide de le tuer. Salut, le Rizal, il explique qu'il ne tente pas. Ce n'est pas suffisant pour lui la moitié qu'il a reçue. Il veut l'autre moitié aussi. Et il dit exactement comme Korach. Korach, vous savez, il y a une expression en yiddish. Je ne sais pas la dire en yiddish, mais je vais vous le dire qu'est-ce qu'elle dit cette expression. Quand on demande à une personne, est-ce qu'il est riche? Il dit, he's rich like Korach. Il est riche comme Korach. C'est une expression, ça veut dire que Korach, c'était une personne super riche. Mais est-ce que... C'était une des personnes les plus riches dans le peuple juif qu'il y avait dans le temps. Et vous savez très bien qu'ils étaient tous riches, hein. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont tous eu des biens, ils ont eu des moutons, ils avaient de l'or, etc. Combien d'ânes, combien de troupeaux. Ils étaient tous riches. Avec toute cette richesse, Korach c'était le plus riche. Et Korach, avec toute cette richesse, ça lui fait si. Enfin, maintenant, il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Le pouvoir. Il veut le pouvoir. Korach veut aussi maintenant, après qu'il a une ta'ava d'avoir tout, il veut aussi maintenant le kavod. Est-ce qu'ils avaient les 10 commandements, Cain et Abel? Oui, Cain et Abel, ils n'avaient pas les 10 commandements. Non, c'est pas une avéra de tuer son frère. Quoi? C'était pas une avéra de tuer son frère? Non. Bien sûr, ils n'avaient pas les 10 commandements, mais ils avaient les mitzvot de... Je sais pas, Benoach. Pas mitzvot Benoach. Mitzvot de quoi? Ils avaient Adam Arishon. Adam Arishon, il avait 3 mitzvot. Après ça, 4 autres mitzvot ont été ajoutés avec Noach. C'est quoi le 3 qu'il avait? Une de ces, c'est ne pas tuer. Très possiblement, c'est très possible, c'est une bonne question ce qui demande, très possiblement que cette mitzvah a été ajoutée après Cain et Ève. Que Adam Arishon, a priori, n'avait pas cette mitzvah. Ah oui, qui l'aurait tué, ça part. C'est ça, il n'y avait pas cette mitzvah. C'est pour ça d'ailleurs, une des commentaires, ils expliquent, maintenant il ne pas, on retourne un petit peu à Bereshit, une des réponses qui explique Cain et Ève, qui aimait la mitzvah sur Cain et Ève, c'est que Cain ne savait pas les conséquences du meurtre. C'est pour ça, il ne savait pas c'était quoi exactement. C'est le premier acte de meurtre qui se trouve dans la Torah. C'est Cain. C'est le premier Baal Tshuva, on dit aussi. Chose, parce qu'après, il avait fait Tshuva, etc. Mais bon, bref. Maintenant, après tout ça, Korach, il est toujours pas satisfait. Il veut un peu de kavod, même qu'il a de l'argent. Il est très, très riche. Il a tout. Maintenant, il veut un petit peu de pouvoir politique. C'est pas assez, maintenant, après qu'il a... Une personne, c'est comme ça, il a de l'argent, après il a beaucoup d'argent, c'est coquet, maintenant j'ai tout, maintenant je veux être le président, ça y est, j'ai tout l'argent qu'il me faut, j'ai tout fait, j'ai pris le vol, je suis parti ici, je suis parti là-bas, j'ai des millions et des millions, des milliards de dollars, maintenant tout ce qui me manque, c'est un petit peu de kavod, un petit peu oui, un petit peu de kavod, et cette kavod, c'est je cherche un petit peu de kavod politique, et c'est ça que Korach il veut faire. Il veut devenir aussi le Kohen. Mais c'est intéressant que comment. C'est un petit peu, comment on dit, puzzling. C'est un petit peu incomprenable comment est-ce que Korach, lui qui en dit qu'il était tellement une personne tellement intelligente, comment est-ce qu'il a pensé que tout le monde peut devenir des Kohanim. Et pas tout le monde juste des Kohanim, tout le monde peut devenir un Kohen Gadol, en réalité. Il est aveuglé par sa jalousie, en fait, c'est ça. Plus qu'aveuglé, quoi. Aveuglé par jalousie, mais j'ai vu une interprétation qui dit que Korach, en vérité, il a fait tout ce qu'il a fait, toute la machloket, pour qu'au but, que c'est lui qui devient le Kohen Gadol. Vous pouvez pas le dire. Hein, il va pas dire à tout le monde. Mais il faut, c'est ça. Après le kavod, il faut créer une révolte. Il dit à tout le monde qu'il n'avait pas dit à tout le monde qu'il va faire un coup d'état d'un coup. À la fin, doucement, il arrive, il fait une révolte. Après la révolte, c'est lui qui va prendre la grande Kéouna. Après qu'il prend la grande Kéouna, c'est lui qui va décider déjà, c'est lui qui va devenir son petit serviteur, c'est le trésor, comme tous les autres politiciens. Est-ce que le kavod, c'est une tava qui est supérieure à l'argent, d'après la Torah? Parce qu'on voit qu'il a l'argent, mais il regarde la place qu'il a Moshe. Plus que l'argent, parce qu'il était plus riche que Moshe, non? Des fois, le kavod, il peut être beaucoup plus dangereux que de l'argent. Plus que l'argent. Parce qu'une personne, une personne qui arrive à un certain point que... Bon, ça dépend des natures des personnes aussi. Il y a des personnes qui... Le kavod, ça leur dit rien. Mais à certaines personnes... Vous savez, la Gemara, elle raconte que... Il y avait des chachamim qui n'étaient pas des nesim. Oui, ils n'étaient pas des grands. Ils ne voulaient pas devenir, par exemple, des roches Shiva. Oui, regardez l'histoire de Shaoul, par exemple. L'histoire de Shaoul. Shaoul, lui-même, quand on lui a dit qu'il allait devenir roi, il n'a pas cru. Moi, je veux devenir roi. C'était un homme simple, Shaoul. Il n'avait rien à voir avec tout ce qui avait royauté, etc. Mais dès qu'il est devenu roi, il était prêt à mourir. De garder sa royauté. Parce que tant qu'une personne ne devient pas dans une statut très élevé, ok, ça ne lui dérange pas. Comme il y a des histoires, même avec des rochers et chivotes dans la Gemara, qu'il y avait toujours des khamim qui couraient du kavod, ils voulaient pas devenir abedin, abedin. Quand ils sont devenus abedin, ils se sont battus pour leur chaise. Alors, regardez l'histoire avec ça. Alors maintenant, oui, allez-y. Alors le Aynara, d'après la Gemara, il me semble que... Le Aynara, oui. Il me semblerait que ça serait surtout basé sur l'argent et la beauté, surtout pour les femmes. Le Aynara, le tzadik. Non, pourquoi je vais pas... Non, mais on peut parler de l'envie. Oui. C'est le Aynara. Ah oui, ben, c'est pas nécessaire. L'envie, c'est juste le Aynara. Ben, c'est quoi la Aynara alors? Non, Aynara, c'est pas nécessairement. Une seconde. Même pas la jalousie. Des fois, le Aynara, ça peut venir aussi. Ça peut venir aussi pas d'une place mauvaise. Pas une mauvaise. L'Aynara peut venir pas d'une place mauvaise. Une personne, elle voit un enfant, hein, qu'est-ce qu'il est beau. Elle veut vraiment dire qu'il est beau, c'est pas parce qu'elle veut lui faire du mal. Non, bien sûr, ça aussi, ça peut être du Aynara. Parce que ça peut être du Aynara. Parce que, la Gemara, elle dit. Des fois, c'est pour ça qu'on dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Aréin, les jours, oui, Ben Porat Yosef. On dit toujours. Parce que des fois, les gens, ils n'ont pas l'intention de donner du Aïnara, Chazou Shalom. Mais parce qu'on sait très bien que quand une personne, la Gemara, elle dit Ena Bracha Shora, Ela Bedavar Asamoui Mina Aïn. La Bracha ne réside juste dans une place qui est cachée de l'œil. Parce que c'est pour ça, quand vous faites, par exemple, vous faites des shidduchim, par exemple, on ne parle jamais. Je vous dis, par exemple, dans des communautés très religieuses, quand il y a le couple vivant au shiddouch, personne ne dit rien. Jusqu'à qu'on dit mazal tov. On ne parle pas, parce que la bracha, c'est quand les gens ne savent pas. Ou quand vous faites du business, vous ne parlez pas. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas dire à tout le monde, ou parce que... C'est mieux que la bracha se trouve dans une place que les gens ne parlent pas, les gens ne regardent pas, et c'est comme ça, de cette façon. Mais non, c'est ça que je voulais dire, ça peut ne pas venir d'une mauvaise place. C'est ça que je voulais dire. Chaque matin, on prie. Oui. Yes Allah, Ayn Allah, Yaz Allah. Oui. C'est ça. Ishara. Il rentre pas dans la besoin. Qu'est-ce qui est le pire, le Ishara ou le Aynara ou le... Tout ensemble, il dit. Non, mais le Aynara, c'est... Moi, je viens plus prier. Ils sont très, très grands. C'est très, très... On peut parler de ça avec plaisir. Mais vous voulez juste venir avec ce point? Non, bah, j'ai... Ce que je voulais dire plus tôt, donc, c'est l'envie, le chorage de l'envie. Je disais que moi, il me semble que c'était surtout par rapport au flux et par rapport à la beauté. Non, l'envie peut être dans des choses que... L'envie ici de Korah, c'était d'avoir quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il voulait pouvoir, par exemple. Et le pouvoir, Hachem ne lui a pas donné ce pouvoir. Il voulait avoir, que ce soit du pouvoir de politique, si on veut l'appeler, il voulait devenir un Cohen, il voulait devenir quelqu'un, hein, que beaucoup ne l'a pas choisi pour ça. Mon cher Rabbeinu est devenu le leader du peuple juif, tandis que Korach, non. Pourquoi Hachem ne l'a pas choisi? Pourquoi Hachem n'a pas choisi Korach? On a dit que Korach était légal, presque légal de Moshe. Au niveau presque. Chokhma. Ah, le presque, moi déjà ça. Non, pas on disait qu'après Moshe. C'est ça, ouais. Mais... Au niveau Chokhma, au niveau toutes les qualités. Oui, mais c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il vient de dire, c'est qu'en fait, on est tous des Korach. Regardez. Si Akadash. Non, oui, pourquoi? Parce que regarde, je vais te dire. Regardez. Si Hachem, il te donne, s'il te donne pas la chose, c'est que on n'est pas méritant d'avoir la chose. Maintenant, si tu la veux, tu rentres dans le système de Korah, c'est ce qu'il voulait, avec Moshe Rabbeinu. Il voulait quelque chose que Hachem, il lui a pas attribué, qu'il n'a pas donné. La question que je pose, c'est qu'au niveau mérite, tout ça, c'est la femme de Korah. C'est marqué dans la. Ça y est, ah, toujours à cause de la force. Non, parce qu'on dit le Korah. Parce que le Korah, à Lévi, il doit se raser tout. Oui, oui. Bon, ça c'est, lui. Bah, ça c'est une chose, mais Korah, il était beaucoup plus intelligent que ça. Bon, on a dit que Korah, oui, normalement, était le successeur. 100%. Alors, il n'a pas mais été... ce qui lui manquait, c'est justement ça. Il n'était pas un humilité. Pas... l'humilité de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a été choisi. On sait très bien le Midrash fameux qu'on a parlé plusieurs fois, que Moshe Rabbeinu a décidé de le choisir quand il a vu courir après le petit mouton. Quand il a dit, ah, si un homme peut avoir tellement de pitié pour un petit mouton, alors pour un peuple. Et c'est ça qu'est-ce qui était Moshe Rabbeinu, c'était ça, sa grandeur. Et on recherche des fois des très grandes choses. Des fois, Akash Baruch Hu, il recherche des petites choses de simplicité. C'est dans les choses simples que Hachem réside. C'est pas dans. Oui, Korah, il était intelligent, il était riche, il avait toutes les merveilles, les qualités les merveilleuses. Mais il lui manquait la Anava. Et cette Anava que Moshe il avait pas. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il est devenu le leader du peuple juif, et non Korah. Alors, Moshe, alors le parallèle, je vais juste faire une petite... le parallèle qu'on avait dit que la dispute entre Caïn et Hevel est exactement comme l'habitude, la dispute de Moshe et de Korah. Caïn, il avait une jalousie envers son frère, il avait un envie envers son frère, et il voulait du kavod. Il voulait avoir un pouvoir. Comme Korah exactement. Mais on doit toujours répondre à une question. Dans l'histoire, c'est qui Caïn? C'est Korah. Oui? Et dans l'histoire, c'est Moshe, c'est Hevel. Mais ici, l'histoire, c'est inverse. Ici, c'est Caïn qui tue Hevel. Et ici, c'est Moshe, indirectement, qui est Korah est puni. Comme. Alors, je tirerai un dernier parallèle. Le Midrash, il y a un Midrash incroyable. La chose la plus forte avec Korah et Caïn, je vais le dire en un mot, l'hypocrisie. L'hypocrisie? Oui. Je vais vous dire pourquoi. Il y a un Midrash qui dit comme ça. Ça veut dire que Korah et Caïn ont vécu leur hypocrisie dans un vêtement de tzadikim. Comment? Le Midrash il dit que Caïn, comme on avait expliqué, et Hevel, ils avaient la moitié du monde chacun. Ils étaient les deux, les seuls. Lui, il avait une moitié du monde, l'autre, il avait la moitié. Quand est-ce qu'elles sont venues, les jumelles? Hein? Ok, les jumelles, bon, c'est bon, ils étaient après, ensemble. Après. Et c'est juste une opinion, ok? Oh, mais viens, on va parler. Le pshat du verset, il n'y avait pas de jumelles, il n'y avait rien. Le pshat, c'est Caïn et Hevel. Bon, il y a le Midrash, il dit, il y a des explications. Mais le pshat, il y avait juste... Comment est-ce qu'ils ont décidé de diviser le monde? Caïn, il a dit à Hevel, on va diviser comme ça. Moi, je veux prendre tous les territoires... Et toi, tu vas prendre tous les métals télim. Ça veut dire les métals télim, les choses qui peuvent être portées. Déplacées. Qui peuvent être déplacées. Les moutons, les animaux, etc. Et moi, moi, je vais avoir le real estate. Et toi, tu vas avoir tout ce qui est movable. C'est plus intelligent. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Caïn? Qu'est-ce qu'il a fait à Caïn? À chaque fois que Abel, il allait quelque part, il lui dit, tu ne peux pas rester ici trop longtemps. Tu bouges. C'est à moi ici. Toi. Il faut que tu bouges. À chaque fois qu'il allait que le pardon, il lui dit, tu ne peux pas rester ici longtemps, c'est mon territoire. Ça veut dire que Caïn, il a... monopolisé. Il a pas juste monopolisé, il avait une bonne ta'ana, ça veut dire qu'il avait une bonne clamation, il a pris sa jalousie et il a vécu dans un... à pied à la race. Ça me revient à moi. Alachiquement, c'est à moi. Et il avait raison. Mais tout cette kin'a, cette ava, il s'est habillé comme un chassid, avec un shramel. Il a dit, voilà, alachiquement, c'est à moi, ça m'appartient. Et comme exactement comme Korah. Qu'est-ce que Korah il fait? Il vient chez Moshe Rabbeinu avec l'histoire du talit, avec l'histoire de la maison, avec les livres, etc. Voilà, tu as tort, il dit à Moshe Rabbeinu. Moi, alachiquement, ça me revient. Je suis le fils de temps et temps. J'aurais dû être choisi après, au moins après toi, ou au moins après Aaron. Pourquoi est-ce que je suis choisi le dernier? Ça veut dire que Korach, il vient avec comme un chassid. Et ça, c'est une très grande hypocrisie. Ça veut dire toute sa jalousie, toute son envie, son désir, toutes ces choses-là sont vêtues dans un habit de tzidkout, de justice. Ça m'appartient. Justement. Et ça, c'était une hypocrisie qu'il n'y avait jamais dans toute la Torah. Tandis, maintenant, vous allez me demander comment est-ce que... Alors, pourquoi est-ce que Caïn, dans l'histoire, c'est lui qui tue Abel, et dans l'histoire ici, c'est... Et c'est très simplement... On trouve jamais dans les... Si vous regardez dans les versets avec Caïn et Abel, on trouve pas que Abel il s'est battu contre son frère Caïn. Il s'est pas défendu. Il s'est pas défendu. Il savait pas ce que ça veut dire. Il savait pas. Ça se peut que très bien que il s'est défendu oralement. Il lui a dit quand il lui a dit ouais voilà ça m'appartient. Il a commencé à se disputer avec lui. Mais quand c'est arrivé à un cas que il avait raison, il a levé les mains à Abel. Alors pourquoi il a été tué Abel? Parce que c'était lui qui était oppressé. Abel il avait les métal-télim. Alors pourquoi c'est pas Abel qui a tué Caïn? Parce qu'à chaque fois que Abel marchait. Mais ça lui appartenait! Il avait raison! C'est ça l'hypocrisie! Ok, mais alors pourquoi Abel c'est lui qui aurait dû tuer Caïn? Pourquoi? Parce que, attends, on a dit qu'Abel il avait les métal-télim. Oui. Et Caïn. Caïn il avait les. C'est ça? Alors maintenant, à chaque fois que Caïn lui disait bouge, Abel c'est lui qui aurait dû s'énerver. Ah ok, mais il s'est pas énervé! Parce que Abel c'était le vrai chassid ici. Abel c'est lui qui dit non, ok, tu as raison. Pourquoi tu as raison. Alors maintenant, pourquoi Caïn a tué Abel? Caïn, Abel n'était pas marseillais. Il s'énervait pas. Non, parce que, à fin du compte, oui, mais c'est ça qu'est-ce qui a poussé à Caïn. Je comprends. C'est ça qu'est-ce qui. Je comprends qu'est-ce qu'il veut dire. Alors, on pousse quelqu'un, il s'énerve et il le tue. Non, c'était pas ça. Abel c'est dit le grand chassid. C'est lui qui reçoit des coups, il dit ok, bon, il faut que je parte, je vais partir à quelque part d'autre, je vais aller ici, je vais aller là-bas. Tandis que Caïn, c'est lui qui le pousse toujours. Oui, quand il voit que Caïn, quand il voit que Abel se défend pas, se dit pas, et Akadosh Baruch Hu prend l'offrand de Abel et pas de Caïn, c'est là que Caïn s'énerve. Et il tue son frère. Mais est-ce que tu es interdit? Hein? Ils étaient pas bien noirs. Les lois ne pas tuer n'existent pas. Oh, c'est une des explications pourquoi Akash Bokhou n'a pas puni par la mort. Et lui, il a demandé ça. C'est une bonne question. C'était une des raisons pourquoi Akash Bokhou n'a pas puni par mort, parce qu'il n'a pas été tué. Il a été tué plus tard. Il a été tué plus tard par la descendance de Abel. Mais lui-même, une personne qui tue quelqu'un, il y a une similitude avec Esav. Que quoi? Que lui aussi a été tué. Oui. Exactement. Alors c'est exactement comme Korach ici maintenant qu'on trouve cette hypocrisie que Korach il a envers Moshe Rabbeinu. Et c'est ça qu'est-ce qui amène que Moshe Rabbeinu, lui il a déjà appris la leçon de Abel. Il a dit, le mal, il ne faut pas rentrer avec un dialogue avec le mal, il faut l'exposer. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, dès que Korach est venu, il a dit oh, on va pas discuter. C'est ça qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ça qu'est-ce que vous voulez? C'est pas assez que vous êtes des Lévites, c'est pas assez que Hachem vous a choisi, etc. Il les expose directement parce qu'il a pris sa leçon déjà de Hébel. Il dit ça va pas arriver encore. On va arrêter ça maintenant. Moi j'ai une petite interprétation, je vais la partager avec vous. Ça c'est mon propre interprétation. Korach, une de ses grandes fautes, moi je trouve, c'est qu'il a fait une faute historiquement. Historique aussi. Merci. Korach, il fait une faute historique. C'est quoi la faute de Korach? Une des choses que Korach demande à Moshe, c'est que Kulam Kedoshim. Tout le monde est. On est tous des Kedoshim. Très bien. Même que, déjà, c'est une faute historique. Parce qu'on sait très bien que, déjà à la naissance d'Abraham, il y avait toujours une sélection. Akadosh Baruch Hu, il a toujours sélecté une personne. Ou il a sélecté après un. Hein? Sélectionné. Il a sélectionné après Yaakov et ses 12 enfants. Et il a sélectionné le peuple juif. Il y avait toujours une forme de sélection dans le peuple juif. Après ça, Beth David, les Kohanim, les Lévi'im. Akash Borou, il choisit un peuple, et de ce peuple, Bnei Israël, il prend les Kohanim, et il prend les Lévi'im, excusez-moi. Quand il prend les Lévi'im, il prend les Kohanim. Il y avait toujours une forme de sélection dans le peuple juif. Et Korach fait une grave erreur. Comment est-ce qu'il fait une grave erreur? Mon propre interprétation, c'est qu'il dit comme ça. Regardez. Tu voulais dire quelque chose avant que j'avance? Continuez. Ok. Alors il dit comme ça. Korach, il dit comme ça. Gérard, Akadosh Baruch Hu se révélé à qui en premier? Abraham Avinu. À une personne. Après ça, à Yitzhak et à Yaakov, sûrement aux douze tribus, on sait clairement qui s'est révélé à Yosef, etc. Après ça, à Moshe, même à Aaron, etc. À une personne plus ou moins. C'est jamais révélé à un peuple complet. Quand est-ce qu'il se révèle la première fois à tout le peuple juif? À part le Kriyat Yam Souf, mais comme révélation à tout le monde, Matan Torah. Har Sinai. Oui. Alors, c'est ça le calcul que Korach y fait. Une seconde, jusqu'à Avram Avinu, à Matan Torah, pas de problème. Il y a des personnes sélectionnées. Avram, Yitzhak, Yaakov, no problem. À Matan Torah, Kulanu Kedoshim. On a tous vu la révélation du peuple de Akash Baruch. Pourquoi est-ce que vous faites une différence entre le peuple, les Moshe et Kéwanim? Quelle différence vous faites? Est-ce que moi j'ai entendu la voix de Akash Baruch? Oui. Ouais. Est-ce que vous l'avez entendu? Oui. C'est une très bonne, parce que quand une personne veut apprendre quelque chose sur un peuple, il regarde l'histoire du peuple. Historiquement, c'est vrai, jusqu'à Matan Torah. C'est ça qu'est-ce qu'il dit. Encore, je ne l'ai pas trouvé dans des livres, c'est mon propre interprétation. Vous pouvez le prendre, vous ne pouvez pas le prendre. Mais Korach, il fait quand même une erreur. Pourquoi? C'est quoi l'erreur? À Matan Torah, si on regarde très bien les versets, il y avait des niveaux de révélation aussi. Il y avait mon cher Abeno qui se trouvait en haut. Oui, sur la montagne. Et à côté de la pointe, en bas de la montagne, Yeshua, les Skenim. À côté, les Skenim, le peuple, etc. Ça veut dire, même au temps de la révélation de Sinaï, il y avait une sélection. La révélation que Moshe Rabbeinu y reçoit à Sinaï, c'est pas ce que le peuple juif qui était en bas. On dit qu'on sait très bien que le peuple juif a entendu la voix de Dieu juste dans les deux premiers commandements. Après ça, ils ont dit, ok, on peut plus. À chaque fois que Akash Baruch Hu parlait, il mourait. Alors, Korach, il fait une erreur qu'il a pensé peut-être que la révélation qui était un matin de Torah, ce que Moshe Rabbeinu il a reçu, tout le peuple juif l'a reçu. Et c'était une très grave erreur qui l'a amené à faire ce qu'il a fait. Qui l'a amené à penser que nous on désire exactement ce que Moshe Rabbeinu il désire. Oui. Ça c'est... Oui, mais ça revient à dire que justement... Mais c'est pas fini encore, ouais. Ça revient à dire que okay, oui. Lui il pensait ça, mais ça veut pas dire que tu es apte, tu as le Kelly pour recevoir ça. On revient encore au même point de dire que puisque ça n'a pas été choisi à ce moment-là, c'est parce que tu n'es pas apte à faire ce travail-là. Qui m'a dit que je ne suis pas apte? Hachem. Mais moi j'ai vu la révélation de Har Sinaï. Oui, mais... Si j'ai vu la révélation de Har Sinaï, ça veut dire que j'étais apte à la recevoir. Oui, mais c'est ce qu'il dit. Qui m'a dit que Akash Baruch Hu? Qui m'a dit que Akash Baruch Hu? Hein? C'est ça que ce que mon cher Rabbeinu il va voir. Ok, très bien. Quoi? C'est quoi ça? Oui, ok, très bien. Très bien. Ok, c'est ça exactement la réponse. On a dit que mon cher Rabbeinu il lui répond que moi je n'étais pas envoyé par moi-même, j'étais envoyé par Hachem. J'étais choisi par Dieu. Moi je pensais que Korach, à ce niveau, après ma tatouage, pensait que le rôle de Moshe, C'est ça. Maintenant, laisse-nous la place. Démocratie. C'est ça, exactement. C'est ça le point. C'est ça le point que je rapporte. Maintenant, c'est tout le monde qui est choisi. Ah, qui est égo. Tout le monde qui est égo. C'est ça une des ta'anot de Korach. Et il avait une bonne ta'ana. Ça veut dire qu'il a regardé. C'était... Si on dit que Korach c'était une personne intelligente, ça veut dire que Korach il a bien fait sa recherche. Mais d'après ce que tu dis, ça revient sur ce raisonnement. Oui, oui. S'il vous plaît. C'est les intentions. Si ses intentions étaient bonnes, mais c'est exactement tout le monde est pareil, alors là peut-être qu'il y aurait eu un changement. Mais comme ses intentions en fait, c'était lui de venir. Mais ça revient à dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Une seconde, ok. Mais même si on dit que Korach, c'était son interprétation qu'en vérité, son intention c'était de lui de venir. Si on va que, en vérité, il avait des bonnes intentions, mais c'est pas le vouloir d'Hachem. C'est pas le vouloir d'Hachem. Ça veut dire que du fait qu'on voit que Akash Bokhu, il a choisi, comme mon cher Abbé nous le dit ici dans le verset, moi je ne me suis pas choisi moi-même. C'est Akash Bokhu qui m'a choisi. Et je veux te le prouver. La terre va t'avaler. Et tu vas rester en dessous de la terre. C'est mon cher Abbé nous, il lui dit ça. Même s'il avait des bonnes intentions. Vous savez, on dit en anglais, the road to hell is paved with good intentions. Vous savez ce que ça veut dire? Ouais. Et on le dit en français. On le dit en français? La route de l'enfer est pavée d'embûches. Des bonnes intentions. Les bonnes intentions, des fois, you know, c'est à la fin de la journée, c'est comme les meraglim. Oui, après qu'on explique de la façon que pour les malades et scouts sur les meraglim, qu'ils avaient des bonnes intentions, ils voulaient rester spirituels, ils voulaient pas être créateurs d'Israël. Mais à la fin de la journée, c'est pas ce que Dieu y veut. Alors tu peux avoir des bonnes intentions, mais les intentions sont contre le vouloir de Dieu. Alors quelle différence ça fait? C'est pas des, ça peut être des bonnes intentions, mais c'est pas les bonnes intentions. On voit aussi dans Shaul. Très bien, comme Shaul. Ses intentions étaient bonnes. C'était des très bonnes intentions, mais à la fin. Ouais. Maintenant, j'ai amené ce petit truc ici parce que il y a une explication incroyable. Hein? Maintenant. Ici, on trouve que Korach, en vérité, que Korach, derrière toute la machloque de Korach se trouve aussi une très grande chose. Korach, à part la machloque qu'il a contre Moshe Rabbeinu, etc., il a une machloque contre la façon que la Avodat Hashem a été donnée au peuple juif. Quand Akash Bokhu, il a donné Matan Torah, hein, à part les Kohanim, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Korach, on l'écrit comme ça. Oui? C'est bien? Ok, ça c'est Korach. Je prends un petit point ici. Mais alors, quand la Torah a été donnée, dans chaque mitzvah, il y a trois façons. Généralement, quand une personne veut s'exprimer, il y a trois façons de façon qu'il peut s'exprimer. Avec sa pensée, une personne s'exprime à lui-même avec sa pensée, avec sa parole et avec l'action. Ça, c'est les trois choses de base comment une personne peut s'exprimer. Maintenant, qu'est-ce qui est au centre de tout? La Gemara, elle dit « Ama'asé ou Aïkar ?» Concernant les mitzvot et de servir Dieu, le ma'asé, les choses pratiques, c'est la chose qui est très différente, hein. Je pensais quand on disait que la machashava de faire une mitzvah n'est pas suffisant. On bénéficie, même si on n'arrive pas à la faire, la mitzvah est. Elle est accomplie. Ça veut dire ma'ase ou aïka. Non, machashava. Pourquoi machashava? Ah. Machashava tova akash bachu mitzvah le ma'ase. Très bien. Ok. Ça c'est une autre chose. Ça c'est un autre concept dans le Gemara que des fois une personne même en pensant de faire une bonne chose. Il a pensé de vraiment d'aider cette personne et ça n'a pas marché. C'est comme si Akash Bokhu il aimait Tzaref un bon massé. Donc la Mahashava Dans ce cas seulement. Mais maintenant comme ça. Pas dans une générale. Quand une personne vient arriver à faire une mitzvah, d'ailleurs, pourquoi on parle de tout ça? Parce que dans le judaïsme, le massé a un très grand chidouche. Parce qu'il n'y a aucune autre religion qui met autant de emphasis, d'emphase sur le ma'asé. Regardez, la havdil et la fadalot. Le christianisme, il n'y a rien dans le ma'asé. Tu vas faire tout ce que tu veux à la fin de la journée, tu viens, Excusez-moi, mon père, voilà, confession, et c'est fini. Il n'y a aucune religion qui monte en bas sur le maasé. Que ça, c'est un ridouche au temps de Matan Torah. Il n'y a aucune autre religion. Que ça soit du hindou, c'est les méditations, c'est les trucs. Mais il n'y a rien dans le maasé. Alors, le maasé, c'est le ikar, mais il y a aussi le marshava. Ça veut dire pour élever et donner beaucoup plus d'importance, si on veut, ou de qualité à la mitzvah, c'est quand une personne rentre aussi ses sentiments. Oui, parce qu'on peut très bien mettre des tefillin comme ça. Ok, c'est très bien, on a fait la mitzvah. Mais quand on pense un petit peu à Dieu avant qu'on met les tefillin, ou on pense à comment aider un autre juif, et la marshava, elle rentre et elle élève le maasé. Alors, on voit que dans le maasé lui-même, oui, même qu'il est au centre de l'intention, il y a la marshava et le dibour qui élève le maasé. Maintenant, dans la Kabbalah, le hey, il représente ces trois niveaux. Marshava, qui est le plus élevé, qu'est-ce qui est connecté à la marshava toujours, c'est le dibour, c'est la parole. Et ici, parce que la marshava et le dibour sont connectés un à l'autre. Vous voyez, une expression, quand une personne s'exprime, c'est d'habitude basé à ce qu'il a pensé avant, ou quand il exprime un sentiment, c'est parce qu'il a pensé à cette personne, comment on va lui faire du bien, et lui dit des bonnes choses. Ça, c'est dans la partie plus spirituelle de la personne, si on veut. Oui, dans l'esprit de la personne. Maintenant, ça, c'est le maasé. Déjà, le maasé, c'est dans les choses physiques. Oui, on veut. Quand on parle de maasé, on veut faire une mitzvah, c'est dans des choses physiques, dans l'action, dans des choses physiques. Tandis que ici, c'est tout dans la pensée de la personne, c'est dans la personne elle-même. Maintenant, si on regarde le hey, alachiquement, le hey, il doit venir jusqu'ici aussi. C'est-à-dire, il doit finir. Les lignes finissent ici. Korach, c'est un révolutionnaire. Il dit, écoutez, toute cette idée, c'était à Matan Torah. Oui, nous, on l'a reçu à Matan Torah. Mais Korach, il veut changer un petit peu les choses. Korach, il dit, on va révolutionner la façon qu'on va servir Dieu. Premièrement, regardez, tous ces lettres sont barrées, hein. Tous. Sauf qu'ils sont un petit peu différentes du Hey. Ce que Korach veut révolutionner se trouve dans son nom. Korach dit, oui, Marshava, Divot, très bien, mais le Maasé, il a plus d'importance que tout. C'est pour ça qu'il est tiré jusqu'au fond. Pour démontrer que le Maasé, c'est le Icar. Concernant le Maasé, oui, concernant... Si vous mettez une paire de tefillim et le tzadik met une paire de tefillim, est-ce qu'on est égaux, lui et moi? Oui. Exactement. Concernant le maasé, l'action, ça part de marshava et de dibour, il n'y a pas de problème. Le tzadik, il a des kavanot très élevés, le harizal, etc. Mais qu'est-ce qui est concernant le maasé ici? On est tous égaux. On est tous égaux. Quand j'ai dit, c'est ça le Ika. Oubliez tout. Où il dit, et si ça ne vous convient pas, peut-être on n'a pas besoin du maasé du tout. Le Icar, c'est la marshava et le dibour. C'est-à-dire que Korach n'est pas d'accord avec la façon que Moshe Rabbeinu dirige le peuple juif dans le service de Torah B'mitzvot. Il veut révolutionner tout. Hein? Il a même raison. Parce que Korach, sinon ils ont dit naasé b'mishpah. Alors naasé. L'action. Naasé. Il avait raison. Naasé. Oui. Naasé, c'est l'action. Oui. Primo. Oui. Ah, ma chachava. 100%. Naasé. Ça veut dire 100%. Que... Il avait raison. Ça veut dire que... Oui, mais ça veut dire que vous êtes en train de dire ça. Ça, oui, que... ça. Que... ça. Oui, mais c'est le problème, c'est que... Ça veut... Oui, mais à la fin, vous oubliez parce que Naasé, mais à la fin, il y a Nishma. Ok, mais Naasé. Très bien. Ici, la Marshava, le Naasé lui-même, veut disconnecter complètement de Marshava. Le Icar, c'est ça, oubliez tout. Ça, on n'a pas reçu dans Matan Torah. On ne l'a pas reçu. Très bien, le Maasé, il est Ika, c'est sûr. À la fin de la journée, un juif qui fait une mitzvah, il a mis les tefilim, il n'a pas fait de Kavanah, il n'a pas fait rien, il a accompli la mitzvah. Mais on sait très bien que le Marshava et le Dibour est un élément très très fort dans la mitzvah elle-même. Oui, des fois on a un Marshava, des fois on n'a pas. Mais à la fin de la journée, on ne veut pas le disconnecter aussi. Oui, mais alors, quel est le plus fort ? Hein ? Marshava ou Maasé ? Et si je mets sur une balance à la fin de la journée, c'est important. Maasé, oui, la Gemara a dit le Maasé Ikar, mais on ne peut pas le disconnecter. Vous pouvez pas dire, ça veut dire, quand je dis le Maasé Ikar, ça ne veut pas dire que je n'ai plus besoin de Marshava et de Dibo. Je vous dis comme ça, regardez, un juif qui fait une mitzvah, il a accompli la mitzvah, mais est-ce qu'il a accompli de la façon la plus élevée? Non. Moi, on met tous des tefillim le matin. Je vous donne toujours l'exemple des tefillim parce qu'on le Baruch Hashem. Mais je vais prendre un autre cas. Hein? Là, c'est d'accord. Très bien. Très bien. Hein? Non. Je fais le Maasé. Pas vraiment. Mais je peux avoir aussi une Marshava négative. Oui. Gava. Oui, la Gava, etc. Le Naasé et Ishma, il faut le prendre ensemble. Oui, bien sûr que ça prend ensemble. Ok, a priori on dit Naasé, mais on n'est pas en train de couper. Korach, il veut couper. Dans l'approche qu'il amène ici, c'est qu'il veut disconnecter le Maasé du Marshava et du Dibour en disant qu'on n'a plus besoin de Marshava et du Dibour. Et si ça ne vous convient pas, il vous dit on n'a pas besoin du Maasé. C'est complètement l'opposé de cette chita. Hein. Ici, dans le Rech, il n'y a pas le Maasé Bichlal. Mais Korach, il dit, pour lui, on est tous égaux. On va être comme tous les autres religions qui méditent toute la journée. Mais dans l'action, ils ne font rien. Il n'y a pas d'action. On sanctifie pas la vie quotidienne de tous les jours. Le Maasé de tous les jours, on ne le sanctifie pas. On va méditer, on va faire un peu de trucs comme ça, des trucs. On va s'éclater avec les méditations et c'est tout. Ici, ça c'est vraiment l'approche très forte de Korach. Korach ici, il dit on est tous égaux. Parce que la plus grande ta'ana de Korach, c'était quoi? Qu'on est tous égaux. On est tous un. Alors le Marshava, Dibour et le Maasé sont tous la même chose. Je suis un tzaddik, je suis quoi? Vous n'êtes pas meilleur que tout le monde. Et ça, c'est le message que Korach, qui se trouve dans le nom. Parce qu'à la fin de la journée, Korach, Ish Chacham Haya. Korach n'était pas un... Ça veut dire qu'il a fait ses recherches. C'était une personne instruite, c'était une personne intelligente, une personne même, un grand ami de Chacham. Et il arrive à une conclusion. Justement, dans la fête, il y avait aussi la raison de devenir le boss de tout le monde. C'est ça, exactement. Sur la dernière lettre, c'est un orgueil énorme. Énorme. En fait, il est en train de dire que je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Exactement. Ce qui est quasiment impossible. Apparemment, c'est ça. L'orgueil se trouve dans la dernière configuration. Toute la grande chita de Korach se trouve ici. Dans le chet. C'est sa finalité. Ici, c'est tout le monde est ensemble. Moi, mon cher Abenou, et le petit monsieur ici, on est tous la même chose. Cohen, Aaron, etc. Mais on sait très bien que dans le peuple juif aussi, la Marshava qui est plus élevée, oui, et le Dibour, on va dire, ça c'est les Kohanim et les Lévim. Oui, et ça c'est les Israël. Le Rambam il dit que chaque juif, s'il veut vraiment, il peut être comme un Lévi. Parce que dans le temps du Beth Amigdash, c'était quoi le travail du Kohanim et des Lévi? À part le Beth Amigdash, parce qu'ils ne travaillaient pas toute l'année. Les Kohanim, ils travaillaient 2 semaines de l'année dans le Beth Amigdash. Ils avaient 24 rotations, chacun une semaine, 2 fois par semaine, 2 semaines par l'année. Qu'est-ce qu'ils faisaient tous les autres jours? Ils étudiaient. Leur travail, c'était d'élever le peuple juif. de leur enseigner la Torah. Ils avaient des villes, ils avaient des places de concentrer de Talmud Torah, des midrash, des bêtes midrash qui diffusaient la Torah partout dans toutes les villes du peuple juif. Et ça, c'est représenté dans la marche à la Dibourg, qui est la chose la plus élevée dans la personne, de soulever le peuple juif, de soulever le Manassé. Korach, il dit non, on est tous égaux. Et sa punition, c'était que c'est pas ça que Hachem il demande. Hachem il avait un ordre. Marchava dibour be maase, marchava dibour be maase. Quand la Torah a été donnée, c'est dans un ordre de Hey et pas de Korach. D'accord.